Chapitre 40e. Comment Miss Burton mena sa campagne. Florence, je suis allée dans Bolton Street et j'ai vu Lady Ongar. Tels furent les premiers mots que Cecilia adressa à sa belle-sœur en revenant de la visite que nous avons racontée. Florence était encore assise devant le pupitre où elle avait écrit, et sa lettre, renfermée dans une enveloppe à l'adresse de Mrs. Clavering, mais non encore cachetée, était sous les feuilles de son papier brouillard. Florence, qui ne s'était jamais attendue à pareille démarche de la part de Cécile, éprouva une vive surprise à cette nouvelle. Comme on le pense bien, elle chercha à deviner, d'après le ton et l'air de sa belle-sœur, le résultat de cette entrevue. Mais elle n'apprit rien de cette manière. Il n'y avait aucun rayonnement de joie sur la figure de Cecilia, mais il n'y avait aussi aucune trace de désespoir. Son ton était sérieux, presque solennel, et son air fort grave. Mais c'était tout. « Vous l'avez vu ?» dit Florence en se levant. « Oui, ma chère. Peut-être ai-je eu tort. C'est du moins ce que Théodore dira. Mais j'ai pensé qu'il valait mieux savoir la vérité, avant que vous écrivissiez à Mrs. Clavering. Et quelle est donc la vérité ? Peut-être ne l'avez-vous pas apprise ? Je crois que j'ai appris tout ce qu'elle pouvait me dire. Elle a été très franche. Eh bien, donc, quelle est la vérité ? Ne croyez pas que je sois incapable de la supporter. Je n'ai plus d'espoir maintenant. Je ne désire qu'une chose, voir cette affaire réglée, pour avoir ensuite un peu de repos. » Mrs. Burton prit la pauvre jeune fille dans ses bras et lui prodigua mille caresses. « Mon ange, lui dit-elle, on n'a pas le repos quand on veut. Vous ne pouvez pas l'obtenir encore. J'aurai le repos quand cette affaire sera réglée. Je ne veux pas nuire à son bonheur. Voici la lettre que j'ai écrite à sa mère. Maintenant, je vais retourner à Stratton. « Non, pas encore, ma chère, pas encore, » dit Mrs. Burton, prenant la lettre de Florence. « Il faut écouter d'abord ce que j'ai à vous dire. » A-t-elle dit qu'elle l'aime ? « Oh oui, elle l'aime certainement, cela n'est pas douteux. » « Et que dit-elle de lui ? » ?»« Elle dit ce que vous devez dire aussi, bien que ce soit très dur. Elle dit que c'est à lui de décider. « Non !» s'écria Florence en s'arrachant des bras de Cecilia. « Non !» Il ne faut pas qu'il soit maître de décider. Je ne me soumettrai pas ainsi à son arrêt. Je ne veux plus le revoir. Si je disais que je ne l'aime pas, ce serait mentir, mais je ne veux plus le revoir. Un instant, ma chère, écoutez-moi. Et s'il n'y a pas de sa faute ? Pas de sa faute ? Mais pourquoi donc est-il allé la voir lorsque lui et moi nous étions engagés l'un à l'autre ? Sans doute, il y a un peu de sa faute. Mais Florence, écoutez-moi. Vous savez bien que je ne vous demanderai rien qui soit indigne d'une femme. Je sais que vous donneriez votre vie pour moi, mais tout cela est inutile à présent. Cecilia, ne me regardez pas de ce regard mélancolique, cela ne me tuera pas. C'est l'incertitude qui me tue. Écoutez-moi donc, Lady Ongar elle-même ne connaît pas sa décision. Mais moi, je la connais, et je connais aussi la mienne. Lisez ma lettre, elle ne contient pas un mot de colère ou de reproche. C'est elle qui l'a connue la première. S'il n'a jamais cessé de l'aimer, ce serait dommage de sacrifier son amour, bien qu'elle l'ait trompé autrefois. Autant que j'en puis juger, j'ai tout lieu de croire que lorsqu'il est allé la voir à son retour en Angleterre, il n'avait d'autre intention que de rendre visite à une ancienne amie. Il ne songeait nullement à vous être infidèle, mais quand il l'eut vue, son ancien amour se réveilla. C'était naturel. Il fut ébloui par sa beauté. Elle est donc bien belle, merveilleusement belle. Eh bien, qu'il l'épouse, dit Florence, se levant et parcourant la pièce, d'un pas rapide et presque avec colère. « Qu'il l'épouse et tout sera fini !»« Je ne m'abaisserai pas à solliciter son amour, et si la beauté est tout pour lui, quelle chance peut-il me rester à moi ?»« Je n'ai pas dit que la beauté soit tout à ses yeux. »« C'est bien vrai, pourtant. J'aurais dû songer qu'il devait en être ainsi pour lui. »« Et puis elle est riche, immensément riche. Comment pourrais-je compter encore sur lui ?»« Florence, vous êtes injuste. Vous ne pensez pas qu'il soit attiré par sa fortune ?» Sa fortune ou sa beauté, pour moi, c'est la même chose. Une femme qui est si belle a droit de tout attendre. Je sais que je suis laide et je renoncerai désormais à tout. La pauvre Florence fut interrompue par ses sanglots. Mrs. Burton en profita pour continuer son récit et prendre, autant que possible, le ton de la froide et calme raison. Je vous disais donc, il fut ébloui par sa beauté. Ébloui, dites-vous, vraiment. Mais il ne songeait pas à vous être infidèle. Non. Il est devenu infidèle sans y penser, ce qui est bien pire. Florence, vous êtes méchante et décidément injuste. Écoutez-moi jusqu'au bout, afin de savoir ce que vous avez à faire. Cécilia dit ces mots d'un ton d'autorité et continua d'une voix plus douce. Il ne croyait pas vous être infidèle en allant la voir, mais son amour se réveilla devant elle, et il se tourba dans une fausse position avant qu'il eût pu s'en apercevoir. Il aurait pu se montrer plus fort. Ici Florence fit un geste d'indignation, mais sans dire un mot. Je ne prétends pas l'excuser entièrement, mais il était mis à une rude épreuve. Je comprends très bien qu'ils soient revenus ensemble sur le passé et qu'elle ait naturellement désiré renouer les liens d'un amour qu'elle avait indignement trahi. Cependant, elle ne le regarde pas à présent comme engagé envers elle. Vous pouvez être certaine de cela. Il est possible qu'elle lui ait demandé une pareille promesse et qu'il ait hésité à la faire. Dans cette supposition, son absence et l'interruption de sa correspondance avec vous s'expliquent facilement. Que voulez-vous donc que je fasse? Il est malade en ce moment. Attendez qu'il soit guéri. Il sera venu me trouver sans son indisposition. Attendez son retour. Je ne le puis pas, Cécilia. Je suis forcée d'attendre. Mais je ne veux pas tarder davantage de lui rendre par l'intermédiaire de sa mère cette liberté qu'il doit désirer. J'ai lieu de le croire. Nous n'en savons rien. Nous ignorons même si sa mère le soupçonne d'aucun tort à votre égard. Maintenant qu'il est chez lui, loin de Bolton Street, cela ne suffit pas à me rassurer, Sissi. S'il ne peut pas passer une matinée chez Lady Ongar sans lui laisser croire à son départ qu'il la préfère à moi et au monde entier, j'aime mieux renoncer à lui. Je ne veux pas qu'il m'épouse par pitié ou par devoir. Je ne veux pas non plus devoir mon mari à l'influence d'une mère sur son fils malade. Vous me feriez croire, Florence, que vous l'aimez moins qu'elle ne l'aime. C'est possible. Eh bien, qu'il accepte un amour comme celui de Lady Ongar. Pour moi, je me dois d'être fidèle à moi-même, et je ne sacrifierai pas mon amour, ma dignité et mon orgueil de femme. Florence, je hais ce mot d'orgueil. Vous penseriez différemment si vous étiez à ma place. Vous ne devez pas rougir de l'aimer. Est-ce que j'en ai jamais rougi? Dit Florence, se levant avec vivacité. Est-ce que j'ai jamais dissimulé mon amour? À partir du moment où j'ai pu le regarder comme mon futur époux, j'ai parlé de mon amour, et je m'en suis montré fier. Je l'ai avoué aussi franchement que vous avouez le vôtre pour Théodore. Je l'avoue encore, et jamais je ne le nierai. Non, je n'en rougis pas. Mais je rougirais si je m'abaissais à lui demander son amour, après avoir cru autrefois qu'il l'avait retiré à une autre femme pour me le donner. Puis il se mit à marcher avec agitation dans la chambre sans regarder Cécilia, dont les yeux étaient pleins de larmes. « Allons, Sissi, reprit-elle, il faut en finir. Lisez ma lettre, si vous y tenez, et laissez-moi l'envoyer à la poste. » Cécilia déplia la lettre et la lut lentement. Les expressions en étaient froides et la passion en était tout à fait absente. Elle y renonçait entièrement à son projet de mariage avec Harry Clavering. « Je sais, disait-elle à la mère de son fiancé, que votre fils est plus attaché à une autre femme qu'à moi, et dans ce cas, pour son bonheur comme pour le mien, il vaut mieux nous séparer. Voulez-vous lui faire comprendre que lui et moi, nous ne devons plus revenir sur le passé? S'il veut bien me renvoyer mes lettres, au cas où il les aurait conservées, et le petit présent que je lui ai fait autrefois, tout sera fait et tout sera dit. » Il recevra un paquet, et ses lettres, et les présents que j'ai reçus de lui. Cette manière d'envisager la chose comme absolument terminée, sans retour possible, ne s'accordait pas du tout avec les idées de Cécilia. À son avis, Florence pouvait écrire une lettre tout aussi convenable qui laisserait subsister encore une chance de réconciliation. Mais le parti de Florence était pris, et la lettre fut mise à la poste. Cécilia était surprise du rôle qu'elle avait joué dans cette conversation. Après toute l'indignation qu'elle avait ressentie contre Harry, elle avait plaidé sa cause avec éloquence et l'avait excusée avec chaleur. À vrai dire, elle était prête à tout lui pardonner s'il venait à repentance. Ce qu'elle désirait par-dessus tout, c'était de voir Florence avoir l'époux qu'elle aimait et de voir la défaite de sa rivale. D'après sa manière de voir, Harry serait coupable ou non, suivant la décision finale qu'il prendrait. En attendant, elle ne renonçait pas à la partie, bien que la lettre de Florence à Mrs. Clavering eût déjà un peu compromis le succès de sa cause. Peut-être, cependant, la vieille dame aurait-elle assez de bonté, de justice et de bon sens pour comprendre qu'une pareille lettre écrite dans de telles circonstances ne signifiait absolument rien. Ensuite arriva pour Cécilia la terrible nécessité d'expliquer à son mari la démarche qu'elle avait faite sans le prévenir. Cette révélation était indispensable pour qu'elle pût dîner tranquillement avec lui. Elle se glissa donc dans son cabinet de toilette. « Théodore, lui dit-elle, il ne faut pas vous fâcher. J'ai fait aujourd'hui quelque chose que je viens vous raconter. Et pourquoi ne faut-il pas me fâcher? Vous me comprenez bien, il ne faut pas parce que je ne le veux pas. Voilà une raison concluante, dit-il. Il était évident qu'il était de bonne humeur, ce qui était fort heureux. Son travail ne l'avait pas trop fatigué ce jour-là, et il pouvait plaisanter. « Que pensez-vous que j'ai fait ?» lui dit-elle. « Je suis allé dans Bolton Street et j'ai vu Lady Ongar. Ce n'est pas sérieux. »« Si, vraiment. » M. Burton était en train de s'essuyer le visage avec une épaisse serviette. Telle fut sa surprise qu'il s'arrêta au milieu de cette opération et se mit à regarder sa femme par-dessus la serviette qu'il tenait dans ses deux mains. « Comment est-il possible que vous ayez fait pareille chose ? » dit-il. « J'ai cru que cela valait mieux. J'ai pensé que je saurais ainsi la vérité et je la sais. Je ne pouvais pas laisser sacrifier Florence sans tenter tout ce qui était possible pour la sauver. Pourquoi ne m'en avez-vous pas prévenu, mon ami ? J'ai cru qu'il valait mieux me taire. J'aurais dû vous le dire, mais j'ai pensé qu'il ne fallait pas faire tant de bruit pour cela. » « C'est-à-dire que si vous m'en aviez parlé, vous saviez très bien que je ne vous l'aurais pas conseillé. »« Précisément. » »« Et vous vouliez faire à votre tête. Vous devez savoir, Théodore, que je ne suis pas aussi désireuse que beaucoup d'autres femmes d'agir à ma guise. Je crois toujours votre avis préférable au mien dans la plupart des cas. » « Et que vous a dit Lady Ongar ? » dit-il en déposant sa serviette et s'asseyant pour écouter sa femme. « Ce serait une bien longue histoire à vous raconter. A-t-elle été polie pour vous ? Elle n'a pas été impolie. C'est une femme belle et fière, qui aime à dire ce qu'elle pense et résolue à triompher en tout si c'est possible. Mais pour moi, personnellement, elle a été polie. Quelle est son intention ? Son intention est assez claire. Elle veut épouser Harry, si elle peut l'obtenir. C'est ce qu'elle m'a dit. Elle ne fait aucun mystère de ses désirs. Alors si, qu'elle l'épouse, et ne nous inquiétons pas de cette affaire. Mais Florence, Théodore, pensez à Florence. J'y pense bien aussi, et je crois que Harry Clavering n'est pas digne d'elle. Elle est comme le voyageur qui est tombé entre les mains des voleurs. Soyez pour elle le bon samaritain. Mais le baume qu'il faut mettre sur ses plaies n'est pas une nouvelle espérance au sujet de cet homme indigne. Que Lady Ongar le prenne, autant que j'en puis juger. Ils se valent bien l'un l'autre. » Cécilia répéta tous les arguments qu'elle avait développés à Florence pour atténuer la faute de Harry. « Vous êtes trop dur pour lui, » dit-elle, à quoi il répondit. « On ne saurait être trop dur pour la perfidie. Oui, » reprit-elle, « quand elle existe, mais nous ne savons pas encore si Henri a été perfide ou non. Nous en savons assez là-dessus, » dit-il. « Mais laissons ce sujet et allons dîner. » Mais avant de le laisser sortir de la chambre, elle voulut lui raconter sa conversation avec Florence et lui parla de la lettre que celle-ci avait écrite à Mrs. Clavering. « Elle a eu raison, » dit-il, « c'est le meilleur moyen d'en finir avec cette affaire. » Mais Mrs. Burton avait juré qu'elle n'abandonnerait pas de sitôt la partie. Théodore, en entrant au salon, embrassa sa sœur. Il n'avait pas l'habitude de ces marques de tendresse, étant d'une nature peu démonstrative. Il ne lui dit rien de ce qu'il pensait. Elle garda aussi le silence, offrit son front à ses baisers et lui serra la main. Le dîner fut silencieux. Presque à chaque instant, les regards de Cécilia tombaient sur sa belle-sœur, mais elle se garda d'aborder le sujet délicat qui les préoccupait tous. Théodore lui-même n'aurait pas dit un mot sur ce même sujet si Florence n'en eût fourni elle-même l'occasion. Pendant qu'il prenait le thé, elle s'adressa tout à coup à son frère. « Théodore, lui dit-elle, je crois que je ferais bien d'aller à Stratton demain. J'y ai beaucoup réfléchi et mon parti est pris. « Oh non !» dit vivement Cécilia. « Je crois, moi, que je n'ai rien de mieux à faire. Il y a peut-être de la faiblesse à l'avouer, mais je souffre. Et comme l'oiseau blessé, je sens que j'ai besoin de me réfugier sous l'aile de ma mère. » Cécilia se jeta soudain à ses pieds. « Chère Florence, lui dit-elle, n'êtes-vous pas ici chez vous aussi bien qu'à Stratton ?»« Oui, quand je puis être heureuse. Ceux qui ont le cœur à l'aise peuvent se croire chez eux dans plusieurs endroits. » Il n'en est pas ainsi, pour qui a le cœur saignant et malade. Je crois que je ferai bien de m'en aller. Vous ferez exactement comme il vous plaira, lui dit son frère. Dans un cas pareil, je ne veux pas vous contrarier. Je souhaite seulement que nous puissions vous consoler. Vous me consolez en effet. Si vous me dites que vous approuvez ma conduite, cela me consolera plus que toute autre chose. La consolation est lente à venir quand on a le cœur affligé. C'est vrai, dit Théodore, mais du reste, il ne faut pas tuer le chagrin trop tôt. Je crois que ceux qui sont insensibles à la douleur sont aussi incapables d'être heureux. Vous devriez au moins attendre la réponse de Mrs. Clavering, reprit Cecilia. Je ne pense pas qu'elle ait aucune réponse à me faire. Mais si, il faut qu'elle vous réponde si elle accepte votre proposition. Elle ne peut moins faire que de l'accepter. Eh bien, elle doit vous répondre. Il y a certaines choses que vous l'avez priée de vous renvoyer. Vous feriez mieux de les attendre ici. Remarquez-le bien, je ne crois pas que sa réponse soit celle que vous pensez. Mais en tout cas, attendez-la, quelle qu'elle soit. Florence, sur l'avis de son frère, consentit à rester à Londres quelques jours de plus, en attendant la réponse de Mrs. Clavering, et après cela, on ne fit plus aucune allusion au sujet de ses peines.